Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1826, Jacques-François Gamba fait paraître un ouvrage intitulé « Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées au-delà du Caucase », fait depuis 1820 jusqu'en 1824. Il faut dire que Jacques-François Gamba est voyageur bien sûr, mais surtout consul de France à Tbilissi, c'est-à-dire la capitale de la Géorgie. Et dans son ouvrage, il écrit « La province du Karabakh se compose de plaines et de plusieurs chaînes de montagnes. Dans les plaines, la chaleur est insupportable pendant 3 mois de l'année. Alors, la population entière se retire dans les montagnes avec ses troupeaux. Les princes et les seigneurs y ont leur habitation. On donne aussi au Karabakh le nom de Chouchak, qui est aussi celui de sa capitale. Mais quelle est cette enclave rebelle en marge des empires, le Karabakh, en marge de la Russie au nord, de la Perse au sud, puis de l'URSS et de l'Iran? Comment la volonté d'échapper à toute domination impériale éclaire l'histoire de l'Arménie? Claire Mauradian, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander une précision de prononciation. Karabakh, oui. Karabakh. Alors on dit en arménien, on prononce Karabakh ou bien Karabakh, mais bon, c'est un mot d'ailleurs qui n'est pas d'origine arménienne, qui a été récupéré, qui veut dire le jardin noir. Bar, c'est le jardin. Bon, les Arméniens appellent cette région Artsakh, du nom d'une des vieilles principautés. Mais sinon, donc, vous pouvez prononcer Karabakh plus tard avec un R un petit peu roté. Voilà, c'est ça. Nous allons le prononcer à la française, mais avec le Karabakh. Comme je peux. Non, mais Claire Mauradian, c'est important de rappeler où nous nous trouvons. Parce que ce territoire est fascinant. Nous sommes dans le Caucase. Quel est ce territoire? C'est triste à le dire, mais nous n'en avons des images que par les actualités, souvent des actualités sinistres depuis les années 1980, la fin des années 80, quand éclate le conflit, et puis aujourd'hui, encore une fois, avec un conflit. C'est effectivement une citadelle montagneuse. D'ailleurs, le nom en russe, Nagorno-Karabakh, on traduit en français au Karabakh, est déjà très, très, comment dire, symbolique. C'est une des extrémités du plateau arménien, donc à l'est. Et du fait de cette situation, cette topographie montagneuse, c'est un lieu, comme toutes les montagnes, de refuge. Gamba évoquait le refuge pour échapper aux chaleurs de l'été, mais c'est souvent un refuge aussi pour échapper aux invasions et à d'autres turbulences de l'histoire que cette région a beaucoup connues au cours des siècles. Claire Mauradian, vous êtes historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, enseignante à l'École des hautes études en sciences sociales et vous assurez un séminaire intitulé « Le Caucase entre les empires du XVIe siècle au XXIe siècle » parce que nous sentons que nous nous trouvons en plein dans l'actualité. Le Caucase entre les empires, il y a quelque chose d'intéressant avec cette notion de Caucase parce que là aussi, la définition géographique est nécessaire pour comprendre de quoi nous parlons. Le Caucase est une région fragmentée, mais une région de carrefour surtout. Bien sûr, on appelle aussi cette région un isthme entre le continent européen et le continent asiatique. C'est une région de montagne, mais avec plusieurs chaînes de montagne. Il y a le Grand Caucase au nord et puis le Sud Caucase où il y a qui est le Petit Caucase avec d'autres régions montagneuses. Effectivement, de par sa situation géographique, elle se trouve à la jonction de plusieurs ensembles, à la fois géographiques, civilisationnels, des restes d'empire. Bon, il y a une anecdote arménienne, enfin, en fait, elle est d'origine polonaise, mais que j'aime bien rapporter à l'Arménie, qui dit « échangerait histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique ». Donc, le Caucase bénéficie à la fois de cette situation un petit peu particulière, parce que zone carrefour, c'est aussi voie d'invasion, voie de commerce, mais aussi zone d'échange, de contact. Donc, ça peut être aussi une richesse culturelle et économique. Donc, l'idée, quand j'ai entamé ce séminaire, j'ai commencé d'ailleurs en 94, à la fin de ce qu'on appelle la première guerre du Karabakh, mais enfin qui, en l'occurrence sur la longue durée, n'est pas la première et la guerre actuelle ne sera certainement pas la dernière, c'était d'essayer de faire dialoguer les histoires et au-delà les historiens et peut-être les habitants de cette région pour montrer que le fait d'avoir été à la fois au carrefour des empires des empires, d'être sur des marges d'empires, provoque un enchevêtrement de peuples, de confessions, de etc. et qu'il est important pour comprendre profondément l'histoire de la région et ses problèmes d'avoir des visions partagées, des visions croisées, et donc de montrer quel est l'impact justement de cette situation, de l'histoire, des différentes politiques et pratiques impériales. Donc voilà, c'était un petit peu l'objet de l'idée de à l'origine de ces séminaires qui existent maintenant depuis 25 ans et où sont passés des collègues de toutes les disciplines et de toutes les nationalités, justement, parce que pour vraiment comprendre, il faudrait connaître toutes les langues du Caucase, et elles sont multiples. On appelait le Caucase aussi la montagne des langues. Et il y en a plus de 150 référencées qui sont des vraies langues, pas des dialectes. Donc, bien sûr, très peu de gens peuvent les connaître. Ceux qui s'y collent deviennent linguistes et pas historiens. Donc, j'essaie de pallier aussi ça en essayant de rassembler des collègues, des étudiants, des experts, des témoins, pour essayer de décortiquer un petit peu l'histoire de la région et de le faire effectivement sur la longue durée, en le remettant en contexte régional ou aussi en contexte impérial et international. Claire Mouradian, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « De Staline à Gorbatchev, histoire d'une République soviétique, l'Arménie » ou encore « De l'Arménie » aux presses universitaires de France. C'est un que sais-je. Ce temps long est très important car, pour vous dire, en préparant l'émission avec Milena Elig, qui est notre réalisatrice aujourd'hui à la technique Laurie Vachon, nous regardions dans les archives de l'INA en nous rendant compte que même le mot « Karabakh » n'apparaît pas très souvent. Il apparaît surtout dès 1988 quand il est question de ce conflit, mais le Karabakh n'est pas vraiment dans les préoccupations. Et je citais tout à l'heure un extrait de l'ouvrage de Jacques-François Gamba, donc qui est un consul français en Géorgie en 1820, dans ces années-là, 1820. La région échappe en fait au regard, il y a comme une fascination. Qu'est-ce que un homme comme Jacques-François Gamba, consul de France, pouvait comprendre de la région? Quelles étaient les grilles de lecture? Il identifie des religions, il identifie des peuples, des ethnies. Tout à fait, parce que c'est ce qui frappe au premier abord, de voir la diversité. Au-delà, c'est une, alors c'est à la fois une grande diversité, une grande richesse à tout point de vue, mais en même temps, c'est un, du fait du relief compartimenté, du fait de l'éloignement, c'est excentré. Ça se situe dans les marges d'empire, dans les confins. Donc, les intérêts en général se portent plutôt sur les grands centres impériaux, voire les capitales régionales. Mais ces régions échappent un petit peu au regard. Donc effectivement, elle frappe néanmoins parce que on voit une des zones qui garde, qui essaie de préserver des identités, qui essaie de préserver des cultures, leur quant à soi, et surtout une certaine volonté d'autonomie. Donc il y a derrière toute cette une très très vieille histoire, aussi bien pour le Karabakh que pour l'Arménie. Le Karabakh est une partie de l'Arménie, même si à son emplacement avant, une partie de son emplacement, il y avait un autre royaume, le royaume albanien du Caucase, dont les Azerbaïdjanais se revendiquent, mais qui a disparu au 4e, 5e siècle de notre ère, et dont la population a été absorbée par l'Église arménienne, donc qui est devenue arménienne. Mais dans ces régions, il y a eu des entités politiques, des principautés très anciennes, et donc ça ne s'oublie pas. Et du fait, malgré leur situation un peu excentrique, loin, périphérique entre guillemets, bien, elle frappe par leur existence autonome ou leur volonté d'existence autonome. Alors dans cette zone, dans les cas, par exemple, l'histoire arménienne est faite de phases d'indépendance et de dépendance, de partage. Enfin, elle a été traversée, partagée entre tous les grands empires d'Orient, d'Occident, des Grecs, les Perses, les Byzantins, les Arabes, les Mongols, les Ottomans, les Russes, etc. Mais donc il n'y a pas toujours des États arméniens indépendants, il y en a parfois plusieurs, il y en a très souvent ils sont partagés, mais néanmoins dans ces quelques zones de montagne de l'ancienne Arménie historique, il reste des aristocraties locales qui maintiennent l'idée d'État ou l'idée d'entité souveraine. Donc c'est peut-être ça aussi qui a frappé Gamba en tant que diplomate, et puis parce que c'est une réalité. C'est une réalité, réalité qui nous intéresse, mais réalité complexe. Le Caucase, oui, le Caucase. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Écoutons l'émission radiophonique Heure de culture française en 1963. Le Caucase et les Russes, par Madame Geneviève Johannet, professeure agrégée. Parmi tous les territoires annexés par l'Empire russe au XIXe siècle, le Caucase occupe une place particulière. Il a laissé une trace profonde tant dans l'histoire littéraire que dans la vie politique de la Russie. La beauté des montagnes et la longue résistance que les habitants des provinces du Nord opposèrent aux conquérants ont inspiré une tradition littéraire où figurent les plus grands noms, Pouchkine, Lermontov, Tolstoï. Quant à la Transcaucasie, c'était un pays de vieilles civilisations. Baptisés plus de 600 ans avant les Russes, les Arméniens et les Géorgiens avaient créé un art brillant dont l'ancienne Russie avait subi l'influence. Au début du XIXe siècle, la Turquie et l'Iran durent laisser la Géorgie, puis l'Azerbaïdjan et enfin l'Arménie passer sous la domination russe. La Transcaucasie était riche en ressources humaines et naturelles. Le développement du capitalisme et la croissance parallèle du mouvement ouvrier en firent au début du XXe siècle un des plus importants foyers révolutionnaires de l'Empire. Un grand foyer révolutionnaire de l'Empire pour le Caucase dans l'émission Heure de Culture Française en 1963. Claire Mouradian, la Russie, puis l'URSS, regarde beaucoup vers cette région-là. Évoquons déjà la Russie, celle des tsars. Quel intérêt avait-il pour ces régions du Caucase et notamment pour le Karabakh ? La Russie, déjà le terme de Transcaucasie, c'est un terme russe, hein, c'est une vision vue de Russie, c'est-à-dire que c'est ce qui se situe de l'autre côté de la chaîne du Caucase, mais vue de Moscou. Donc ça, c'est déjà intéressant. Donc maintenant, on n'utilise plus ce terme, mais plutôt Caucase du Sud, depuis l'ère des indépendances. La Russie, en fait, est présente dans la région, non pas depuis le 19e siècle, mais elle fait ses premiers pas au Caucase dès le 16e siècle. Et c'est ce qu'on oublie un petit peu, cette tentative de pénétration très très ancienne. Donc ils ont mis 5 siècles à vraiment conquérir le Caucase, et encore ça se discute puisqu'il y a régulièrement des insurrections ou des velléités d'autonomie. On se rappelle aussi la guerre de Tchétchénie récente. Bon, et puis toute la conquête du Caucase a été très difficile, donc ils n'ont pas lâché cette région très facilement. Ils y ont un intérêt depuis le 16e siècle, depuis que Ivan IV le Terrible, après avoir combattu et vaincu les khanats de Kazan et d'Astrakhan. Astrakhan, c'est situé à l'embouchure de la Volga sur la Caspienne, traverse la Caspienne en 1557 et construit un premier fort russe à l'embouchure du Terek, qui est le fleuve qui traverse le Nord-Caucase. L'intérêt de la Russie, c'est qu'elle se, dans cette, comme les deux autres puissances qu'on a évoquées, c'est-à-dire l'Empire ottoman et la Perse, qui sont pratiquement à la même époque des nouvelles puissances émergentes. Alors c'est des anciens empires, mais avec des nouvelles dynasties, ottomanes d'un côté, séfévides de l'autre, se disputent, et la Russie va les rejoindre, l'héritage de l'Empire mongol. Donc l'intérêt de la Russie, c'est de poursuivre son expansion, hein, à partir de la Moscovie, et d'élargir ses frontières au détriment de ses anciennes, d'abord de la Horde d'Or, mais ensuite s'installer aussi dans l'héritage de cette Horde d'Or. Donc avec les deux autres empires, on a essayé de se partager cet héritage-là, au moment où la Horde d'Or est fragmentée en multiples khanats avec des États qui deviennent des vassaux des autres puissances. Donc c'est un intérêt ancien qui est aussi de la volonté de s'ouvrir des fenêtres vers les mers. Donc il y a la Caspienne d'abord, mais au même moment, et ça sera bien sûr plus important sous Pierre le Grand, de s'ouvrir une fenêtre vers la mer Noire. Pierre le Grand a été passionné de marine, donc la conquête d'Azov, alors qu'il subit des allers-retours, d'ouvrir une fenêtre aussi sur la Baltique au nord. Donc c'est bon, après ils atteignent le Pacifique très tôt. Donc pour sortir de son aire continentale fondamentale, la Russie s'étend dans tout le pourtour de la Moscovie. Alors quand elle est arrêtée dans un endroit, elle repart à l'assaut ailleurs. Mais cet intérêt de la Russie pour la région, c'est un intérêt militaire. Défensif, hein, de protéger aussi ses premiers acquis, mais aussi d'aller plus loin et de rentrer bien dans les communications, dans les échanges. Les débuts de la conquête du Caucase ou de la pénétration russe au Caucase, c'est contemporain de la conquête du Nouveau Monde. Mais c'est Donc, ça. enfin, la Russie s'inscrit aussi dans ce grand ensemble. Et ce qu'on oublie, c'est quand on part des marges, on se focalise un petit peu sur la marge, mais on oublie qu'elle s'inscrit dans une histoire plus globale. Une histoire plus globale. Et Claire Mouradian, en faisant très attention à l'anachronisme, qui est un énorme piège en histoire, j'entends Bien cette sûr. Volonté d'expansion de la Russie, et notamment vers le sud, vers le Caucase. À quel moment peut-on parler de colonisation? Alors, la Russie, enfin, quand on étudie l'histoire coloniale des pays comme la Russie ou comme la Turquie d'ailleurs, dénie le terme d'empire colonial pour désigner leur empire. Alors, c'est vrai que dans les travaux sur le colonialisme, on parle plutôt la France, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de l'Espagne, etc., avec des pays où la métropole se démarque on n'a pas les mêmes frontières, enfin, se démarque, n'est pas frontalière de ses conquêtes. Dans le cas de la Russie, il y a cette dimension continentale qui fait que l'expansion se fait de façon continue, et donc, on a l'impression que ce n'est pas, un colonialisme de même nature, si tant est qu'il y a un modèle colonial unique, ce qui n'est pas vraiment le cas. Je pense que si on peut parler vraiment de colonialisme au sens moderne du terme, alors vous avez raison, on ne peut pas être anachronique, on peut le faire à peu près à la même période que le moment où on parle de colonialisme pour les puissances européennes, de façon plus consciente. Il y a la quête de richesse, il y a la quête de nouvelles ressources, il y a d'exploitation de ces recherches, il y a de la colonisation aussi par les hommes. Alors, souvent la Russie manque d'hommes, donc on utilise aussi des déplacements de population pour compenser cela. Lorsque, par exemple, la Russie va conquérir le territoire de la Crimée, par exemple, en 1783, elle va déplacer les populations grecques et arméniennes et juives qui vivaient pour le remplacer par des cosaques, etc. Donc ça, c'est une dimension de fortification de la frontière. Mais quand elle, par un glacis humain, avec des populations considérées comme plus fiables, bon, quand elle va conquérir les différentes possessions, vraiment les annexer au Caucase du Sud, elle va aussi, dans les clauses des traités, demander le déplacement des populations, par exemple chrétiennes, vers les nouvelles provinces, bon, chasser un petit peu les populations musulmanes. Donc il y a aussi une forme de colonisation. Elle va aussi envoyer dans ces régions des colons allemands et des colons russes, par exemple les sectataires, les différentes sectes dont elle ne veut pas en Russie centrale. Donc il y a aussi cette dimension humaine qu'on oublie. Et puis il y a une volonté au 19e siècle, au fin 18e, 19e siècle, on est très conscient des richesses minières. Une partie des élites autour de la cour qui sont intéressées par la conquête du Caucase ont déjà des intérêts dans les mines du sud de la Russie. Donc il y a ces dimensions qui existent. Après, il y a la dimension, bien sûr, répressive. C'est des conquêtes par la force, hein, même si certaines des principautés ou des princes peuvent appeler la Russie à l'aide. Et puis, il y a la pratique impériale, qui est une pratique qu'on retrouve dans d'autres empires, mais qui essaye de faire des découpages administratifs pour aussi effacer la trace des anciennes provinces. Alors, il y a une dimension à la fois impériale classique, mais coloniale aussi dans les pratiques russes, qui sont en miroir souvent des pratiques européennes et puis aussi des pratiques de son empire rival ottoman. Oui, bien sûr, parce que elle est extrêmement pertinente, cette approche, Claire Mouradian, de faire cette histoire mondiale de cette toute petite région qui est le Karabakh, même le Haut-Karabakh. Toute une partie du monde se lie ici parce qu'il y a des enjeux de puissance. Et quand il est question du monde, bien sûr, nous pouvons nous situer au moment de la guerre mondiale, la première guerre mondiale, et juste après la guerre mondiale. Là, nous allons entendre le capitaine Poids de Barre, représentant de la mission militaire française au Caucase en Arménie. Il écrit le 26 mai 1920. Montagnard du Karabakh et de Zanguezour, à peu près 150 000. Intrépides montagnards habitués à la guerre. Femmes et enfants à partir de 12 ans vont au combat. Jamais pendant la guerre, même en 1918, l'armée turque n'a pu prendre ce massif. S'il est pris maintenant, ce sera faute de cartouches. Contrairement à la thèse soutenue actuellement à Londres, le soulèvement du mois d'avril a été provoqué uniquement par l'ordre de livrer les armes envoyées de Bakou, ordre précédant les massacres et l'envahissement du massif par les troupes tartares et turques. Le plan secret d'opération contre l'Arménie russe, préparant la jonction turco-bolchévique, a été saisi à Bakou par un de nos agents. Olivier Martineau qui nous lisait un rapport du capitaine Poidebar, représentant de la mission militaire française au Caucase en Arménie. Nous étions en mai 1920. Claire Mouradian, effectivement, la situation a complètement changé. Guerre mondiale, bien sûr, mais révolution en Russie, ça y est. Nous sommes là dans un autre contexte. Et pourtant, la politique de regarder depuis Moscou vers le sud se poursuit. Ouais, tout à fait, parce que bon, les enjeux n'ont pas changé. Vous savez, on dit souvent que le seul facteur permanent de l'histoire, c'est la géographie. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, la Russie a mis un certain nombre d'années et de conquêtes pour conquérir cette région, de conquêtes difficiles. Et lorsqu'il y a un renversement de pouvoir, enfin un changement de pouvoir, la politique extérieure de la Russie ne change pas. Les modalités peuvent éventuellement changer. Donc on va faire appel à d'autres critères. On ne sera plus la mission civilisatrice du christianisme, mais ça sera la mission civilisatrice du bolchevisme, l'international communiste. Mais ne serait-ce que pour réussir la révolution, Lénine disait qu'elle ne pouvait pas se passer du blé de l'Ukraine et du pétrole de Bakou. Donc les enjeux aussi économiques sont là. Il voulait aussi utiliser, comme les autres empires, des armes de subversion pour affaiblir les empires rivaux. Donc là, par exemple, de susciter des révoltes dans les colonies musulmanes des Britanniques et des Français qui étaient les rivaux. Par exemple, la 13e congrès du Comintern de l'international, donc communiste, la 3e internationale se réunit à Bakou en septembre 20. Donc c'est un appel au peuple de l'Orient pour renverser l'ordre mondial. Donc il y a quand même des permanences. Et puis de l'autre côté, inversement, il y a l'ancienne puissance rivale, l'Empire ottoman, qui se disputait la région. Bon, la Perse depuis 1828 et le traité de Turkmenchay est quasiment un protectorat de la Russie. Mais l'Empire ottoman, qui avait perdu plusieurs guerres face à la Russie, on a une douzaine de guerres, essayait déjà de recouvrer ses territoires perdus, ses territoires notamment dans les provinces arméniennes, et puis de pousser plus à l'est aussi, de tenter aussi de renverser sa défaite réelle, puis sa défaite avancée, en se projetant, trouvant des alliés en Asie centrale, dans le cadre d'un mouvement de pan-turquisme qui fait écho au pan-slavisme, qui fait lui-même écho aussi au pan-germanisme. Donc, vous voyez, tous ces mouvements s'impliquent. Alors, je trouve que, je repars de la petite anecdote, enfin, la petite blague que je disais au début, l'emplacement géographique de la région, dans son ensemble, de l'Arménie notamment, qui est sur la voie de passage et qui directe, et puis du Karabakh aussi, qui est un petit bastion rebelle qui tient un petit peu, etc., et stratégique. Alors arrive aussi dans cette région, pendant la guerre mondiale ou à la fin de la guerre mondiale, les Anglais, dans le cadre de la guerre de l'Entente contre les puissances centrales. Et les Anglais qui ont, dont les armées sont présentes et avancent en Palestine, en Mésopotamie, par l'Iran, arrivent bientôt aussi au Caucase. Donc ils vont à la fois continuer la lutte dans le cadre de la guerre mondiale, empêcher la Russie après la révolution de faire une paix séparée, puis après lutter contre le bolchevisme, mais en même temps poursuivre leurs intérêts du grand jeu. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'objectifs qui s'imbriquent les uns avec les autres. Et la Russie a ses propres objectifs qui n'ont pas changé. Donc, pour elle, c'est une région qui lui était acquise et qu'elle doit conserver. C'est une région qu'elle doit conserver. Et nous avons vraiment cette situation extrêmement complexe. Ce nœud au nord, la Russie, puis l'URSS. Au sud, la Perse, puis l'Iran. L'Empire ottoman également présent. Et puis, là, dans le Caucase, s'imbriquent ces différents territoires, ces différents peuples aussi. Vous avez évoqué, Claire Mouradian, un moment particulier, qui est le Congrès des peuples de l'Orient. Donc, il se tient à Bakou en septembre 1920. Et vous citez, je le lis parce que c'est assez fascinant, c'est le président du Comintern, il s'appelle Zinoviev, qui explique, lors de ce Congrès des peuples d'Orient, il dit, nous savons que ce n'est pas la faute des masses de l'Orient, si elles sont souvent très arriérées, si elles sont illettrées, ignorantes, superstitieuses, si elles ignorent ce qu'il se passe dans le monde et négligent les principes élémentaires de l'hygiène. C'est plutôt leur malheur. Non, non, il ne faut pas souligner à plaisir leur mentalité souvent arriérée, mais il y a lieu de plaindre sincèrement leur ignorance et leur tendre la main secourable. Il y a quand même une vision venue des soviets assez particulière sur ces peuples d'Orient. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une vision tout à fait colonialiste. Je veux dire, les mots de Zinoviev pourraient être très bien dits par n'importe quel grand impérialiste britannique ou français, enfin avec cette, un mélange d'orientalisme et puis de mépris pour les peuples du Sud, de vision, enfin, donc c'est, et puis donc de volonté de leur offrir une main secourable, c'est-à-dire de les civiliser. Alors déjà Pushkin, dont on évoquait tout à l'heure dans la lecture du Caucase, on se rendait compte aussi de la résistance admirée, puisqu'on est à l'époque de la, du romantisme flamboyant, et donc les Caucasiens et leurs révoltes, que ce soit les Tcherkesses, les Tchétchènes et d'autres, suscitent son admiration, hein, dans ces intrépides montagnards là aussi. Mais en même temps, il entend les civiliser, alors lui propose le samovar et donc voilà, la richesse et puis la religion, la Bible. Ça n'a pas bien marché. Mais cette vision coloniale est très, très ancienne, hein, là encore, et donc se poursuit à l'époque, se poursuit d'une certaine façon à l'époque soviétique. Alors, néanmoins, avec quelques différences. Une fois la région, revenue dans l'orbite russe, elle avait essayé d'y échapper parce qu'à la sortie de la première guerre, avec l'effondrement de, avec la révolution, l'effondrement de l'empire tsariste, les nationalités du Caucase, comme des autres régions annexées par la Russie tsariste, proclament leur indépendance. Les pays baltes, l'Ukraine, l'Asie centrale, etc. Et le Caucase aussi, au nord comme au sud. Mais cette indépendance va être de courte durée, ne va pas être reconnue et, comment dire, étant gênée, handicapée par à la fois les interventions extérieures et puis aussi leurs multiples déchirements internes, que ce soit au niveau de chacune des républiques et puis des conflits qui naissent entre les républiques pour la définition du territoire. Je disais tout à l'heure, un des problèmes, un des héritages des périodes impériales, ce sont les découpages administratifs qui veillent à empêcher la constitution d'États d'entités homogènes. Et donc, on mélange à loisir les nations, hein, fameux divisés pour régner. Et donc, à la sortie des empires, eh bien, il est très difficile de retrouver ces traces de souveraineté. Enfin, ces anciennes traces de souveraineté, on fait référence à des passés lointains, mais entre-temps, les populations se sont mélangées, enchevêtrées, donc c'est très, très compliqué. Donc, des conflits vont naître et être argumentés soit par la présence démographique, soit par l'histoire, soit par l'archéologie, parce qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans d'autres régions. Et donc, cela va faciliter après le retour de l'administration russe de fait, parce que c'est celle qui a été peut-être la plus ancienne et la plus marquante. Et puis dans le cas qui nous intéresse particulièrement du Karabakh, le Haut-Karabakh notamment, il y a cette volonté qui dépasse simplement la vision un peu colonialiste sur la région, mais il y a des décisions administratives et en 1921, des décisions sont prises qui ont des conséquences aujourd'hui, nous le sentons. Qu'est-ce qui est décidé pour ce territoire déchiré entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Alors, le Haut-Karabakh avait proclamé son indépendance pratiquement en même temps que les autres républiques, en juillet 1918. Les autres, c'était en fin mai 18, et ils avaient proclamé aussi leur indépendance. Il y a une vieille aristocratie, puis une volonté aussi de souveraineté, pas forcément d'être détaché de l'Arménie, mais dans la période en question, de marquer leur volonté de souveraineté. Donc, c'est une région qui est disputée pendant toute la période des indépendances entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Et dans un premier temps, lorsque les Anglais, j'évoquais tout à l'heure, les Anglais occupent la région, ils vont, en attendant que la conférence de la paix décide du sort, etc., et que on voit ce qui se passe au niveau de l'Empire russe, dont on pense à un moment qu'il va survivre sous une nouvelle forme républicaine, mais bon. Les Anglais attribuent la région à l'Azerbaïdjan de façon provisoire, parce que bon, ils ont des intérêts à Bakou, ils ont des intérêts dans le monde musulman, ils pensent que les Arméniens vont obtenir d'autres concessions du côté ottoman. Et puis, lorsque l'Azerbaïdjan est soviétisé, L'Azerbaïdjan est soviétisé, sa première république à être soviétisée dans la région en avril 1920. Mais donc les soviets lui attribuent aussi le Karabakh parce que on agrandit le domaine soviétique. Et comme les Arméniens ne sont pas contents, pendant toute la période où on essaie de les soviétiser, on va dire on réglera cela après. Puis une fois que l'Arménie est soviétisée à son tour en deux étapes, finalement en 21, il y a l'intérêt suprême, c'est de satisfaire un petit peu la population musulmane qui est plus nombreuse. Alors malgré tout, donc cette décision est faite en fonction du rapport de force d'abord sur le terrain. Et puis, à la suite de tous ces conflits, de l'alliance avec la Turquie kémaliste, qui demande aussi qui est derrière un petit peu cette décision, comme l'attribution du Nakhitchevan vidée de sa population arménienne à l'Azerbaïdjan, de l'intérêt de la révolution en Orient, et notamment dans le monde musulman, c'est ça que j'évoquais le congrès de Bakou. Et donc, il y a une hiérarchie de priorités et la volonté de souveraineté des Arméniens du Karabakh ou d'être rattachés à l'Arménie ne vaut pas. Alors, de même qu'à l'époque tsariste, il y a eu de multiples variations administratives. Il y en a eu au moins 6 ou 7 dans la période tsariste, au 19e siècle seulement. Il y en a tout autant dans la période soviétique et même après 21, il y aura des redécoupages, des redéfinitions, alors plus ou moins importantes de la région. Il y a eu, par exemple, à un moment donné, un district kurde dans la région de la Chine, là où on parle aujourd'hui avec ce fameux couloir qui relie l'Arménie au Karabakh. Il y a eu un district kurde de 1923 à 1930, puis il a été supprimé parce que l'Azerbaïdjan n'en voulait pas, que la Turquie avec laquelle la Russie soviétique avait un traité d'amitié depuis 1921 n'en voulait pas non plus. Donc là aussi, il y a eu des multiples variations administrative. Et lorsque l'on parle de l'intégrité des frontières, de l'intangibilité des frontières, de quelles frontières parle-t-on ? Là, en ce moment, d'une certaine façon, la volonté de l'Azerbaïdjan, c'est de préserver l'héritage colonial, le découpage de la période impériale, qu'elle soit tsariste ou soviétique antérieure. Alors qu'on pourrait inscrire, disons, la demande des Arméniens du Karabakh dans la demande d'autodétermination dans une volonté anticoloniale. C'est le droit à l'autodétermination, c'est ce qui a présidé à toutes les décolonisations dans le monde, depuis les États-Unis jusqu'à l'Algérie. Donc, vous voyez, la décision de Staline, c'est une à la fois, mais qui n'est pas que de Staline, c'est le rapport de force, c'est des intérêts certains intérêts prioritaires par rapport à d'autres. Et puis, malgré tout, la préservation d'une entité quand même particulière. Parce que à l'époque tsariste, disons, on ne tenait pas compte des nationalités. Au contraire, on essayait de les disperser, d'effacer ces traces-là. À l'époque soviétique, pour montrer qu'on est contre la prison des peuples tsaristes, on va essayer de faire des entités autour des nationalités reconnues, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie administrative, une autonomie nationale sur base territoriale. Et donc on reconnaît malgré tout la présence arménienne. On reconnaît la présence arménienne, mais c'est vrai qu'en 1921, alors c'est Staline, mais c'est pas le Staline d'après, c'est le jeune Staline, celui qui est encore sous la coupe de Lénine, qui met en place ce système qui en fait attribue le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan et qui fait que l'Arménie, elle, qui devient une république socialiste soviétique, se plie parce que sous le joug soviétique, il n'y a pas de contestation possible. Vous avez raison, Claire Mouradian, de souligner que malgré tout, sur la longue durée du XXe siècle, il y a des micro-changements, des éléments de revendication pour que l'Arménie récupère le Haut-Karabakh ou que le Haut-Karabakh soit plus ou moins indépendant jusqu'à la chute de l'URSS. Nous voici en 1988, c'est la perestroïka. Ravivée par le nouveau dégel, la revendication arménienne sur le Karabakh réapparaît. 20 février, ils sont plus de 100 000 sur la place Lénine dans le chef-lieu du Haut-Karabakh. La veille à Erevan, dans la mère patrie, pour la première fois les manifestants écologistes avaient pris à leur compte la revendication du rattachement de la région autonome à l'Arménie. Nous exigeons, scande la foule à Stepanakert, traduisant les demandes d'une population longtemps réduite au silence et pourtant majoritaire à 80% sur ces terres. Comprenez, comprenez, je vous prie. Le comité central du parti vous prie, examinons calmement la question. Camarades, le parti n'est-il pas le vôtre? Non, jamais. Non, jamais. Un extrait du film documentaire Arménie 1988. Arménie 1988, un film documentaire diffusé sur Antenne 2 l'année suivante, en 1989. Un film réalisé par Claire Mouradian. Ah bah c'est vous Claire Mouradian, dites donc. Claire Mouradian. C'est surtout réalisé par mon ami, hélas disparu, Kérop Bagla, qui était réalisateur Antenne 2, dont moi j'étais le conseiller historique. Et puis on a participé, enfin j'ai participé à la production en co-finançant. Donc c'était un film que nous avions documentaire, nous avions fait fin 89, début 89, après le séisme et le début de normalisation de Gorbatchev, pour rappeler qu'après le séisme, enfin le séisme avait effacé un petit peu tout le reste, et de rappeler tout ce combat qui était un combat pour la démocratie, pour sortir de, voilà, d'un système oppressif, quand même le dire, qui n'était pas, qui répondait pas à la volonté du peuple, qui s'était imposé, bien sûr. Les Arméniens, à un moment donné, comme d'autres, en l'occurrence, en particulier les Arméniens, ont considéré qu'il valait mieux les Russes que les Turcs, mais c'était pas une, comment dire, une, c'était pas une union volontaire, elle a été imposée par l'armée rouge, par la force des armes. Et donc nous voulions rappeler tout ce moment qui semblait avoir été oublié au moment du séisme, avec l'arrestation des représentants du comité Karabakh, l'état de la loi martiale imposée, etc. Oui. Le tremblement de terre de décembre 1988, c'est vrai, est resté dans les mémoires. Mais ce moment est particulier, Claire Mouradian, quand vous intitulez votre film Arménie 1988, on sent que cette année 88 est importante parce que elle marque un début d'indépendance, de volonté d'indépendance par rapport aux grandes puissances alentour. Mais c'est aussi le début d'un conflit. Bien sûr. Alors juste dire que quand vous évoquiez le jeune Staline, en fait Staline est le commissaire aux nationalités. Donc il n'est pas tout à fait, enfin il est bien sûr Lénine est le grand homme, mais Lénine l'a chargé, il avait chargé d'ailleurs un autre Arménien qui entre-temps a disparu, Shaoumian, notre bolchevique arménien, ils n'étaient pas très nombreux, mais il y en avait quelques-uns, de penser la question des nationalités. Et donc Staline agit en penseur de la question des nationalités, c'est pas par hasard, en plus, s'il le fait en connaissant très bien la région du Caucase, il est lui-même caucasien, il a fait ses armes à Tiflis et à Bakou, donc c'est pas simplement le Staline de la Grande Purge, c'est le Staline penseur de la question nationale, avec ses stéréotypes, etc. Et donc il a aussi cette volonté de neutraliser les conflits, mais à la sortie de l'Empire soviétique, et quand Gorbatchev appelle à réparer les fautes de Staline, bon, il y avait déjà le 20e congrès en 56, mais on s'était un petit peu arrêté à la personne de Lénine, mais là on remet en cause toute la période, bien les différentes nationalités saisissent la balle au bon, et c'est le cas aussi des Arméniens du Karabakh. Et effectivement, eh bien, comme je disais tout à l'heure, sortie d'empire, sortie de guerre, entre guillemets, de guerre froide, on est en train d'aller vers la fin de la guerre froide, les questions qui ont été gelées pendant toute la période soviétique, voire fossilisées, et donc d'une autre façon ancrée, qui n'ont pas cessé d'exister, parce que pendant toute la période soviétique, alors la période soviétique en Arménie suit les différentes phases de l'histoire de l'URSS, le communisme de guerre, la NEP, la collectivisation, les purges, la grande guerre patriotique, le dégel, etc. Donc ils sont dans les mêmes phases. Bien là, pour eux, la question nationale n'a pas été réglée, mais pendant toute la période soviétique, elle est apparue de façon récurrente, à travers des dissidences, des samizdats, des revendications au centre, des pétitions au parti communiste. Et puis là, il y a un dégel et elle éclate au grand jour. Et puis vous. Et donc, elle se traduit par ce conflit. Et dans un premier temps, le pouvoir central veut maintenir le statu quo, veut neutraliser un nationalisme par l'autre, fait de la répression. Enfin, je veux dire, le Karabakh est encerclé, la police spéciale intervient, il y a des pogroms à Sumgait et Bakou, donc on utilise l'arme de la terreur, l'arme de l'intimidation, etc. Et puis à la fin de l'URSS, bien là, la guerre prend son essor. À la fin de l'URSS, il y a cette tension dans la région, dans le Caucase, entre l'Arménie, autour du Haut-Karabakh. Vous, historienne Claire Mouradian, vous avez accès, après la chute de l'URSS, à de nouvelles sources. Ça change aussi le regard que l'on peut porter, parce que pour cette région, vous nous l'avez évoqué, la pluralité des sources, des regards, des langues même, rend difficile l'étude. Et je voudrais juste évoquer un aspect de votre travail, c'est le travail autour de l'humour. Toujours dans ces situations complexes, l'humour est un appel à la résistance. Bien, on y avait de, il y a eu des travaux importants sur. Il y a eu, allô, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Il y a eu des travaux d'autres que moi sur la question de l'humour en URSS ou dans les régimes. Comment dire, c'est une façon de détourner la censure et puis bon, de montrer qu'on n'est pas complètement dupe. L'humour, c'est sérieux. Bon, ça se fait aussi à travers les caricatures. Alors, l'explosion des caricatures, c'est dans les moments de grande démocratie, puis après, elles sont sous censure. Mais bon, il y avait tout ce qu'on attribuait à une fictive radio Yerevan avec des blagues du genre. Alors, c'est des questions-réponses, mais bon, il y en a d'autres. Bon, celle que j'aime bien, par exemple, pour montrer les relations, on demande à Radio Yerevan, est-ce qu'on peut construire le socialisme dans une seule ville, par exemple à Yerevan. Radio Yerevan répond, oui, c'est tout à fait possible, mais on préférerait que ce soit à Bakou. Il y a une autre que j'aime bien et qui répond un petit peu à la première que j'évoquais, où se situe l'Arménie ? Alors, la réponse, c'est l'Arménie se situe entre la mer Noire et la mer Caspienne, mais pour être plus précis, entre le mur de Berlin et la Grande Muraille de Chine. Donc, c'est une façon de se distancier par rapport à l'idéologie, bon, de souffler. Il y en a beaucoup à différentes périodes, sur différents thèmes. Et c'est pas propre aux Arméniens, bien sûr. Mais on attribuait cela à cette radio Yerevan fictive, bon, pour certaines d'entre elles. Et, l'humour, les images, les entretiens oraux, même la presse officielle peut servir de source si on sait décrypter, lire entre les lignes. Et effectivement, à l'époque soviétique, l'accès aux archives était quasiment impossible pour les chercheurs de l'Occident, enfin, sauf s'ils étaient dans les compagnons de route et encore. Parfois, était difficile pour les chercheurs soviétiques eux-mêmes. Tout était sous contrôle, hein. Il y a une censure. Même les publications d'archives, de temps en temps, étaient regardées de façon très, très minutieuse avec des, quand les gens après le dégel ont voulu proposer des sources publiées, même l'Institut du marxisme-léninisme de Yerevan, donc pas vraiment suspect de dissidence, avait publié un recueil d'archives sur les conditions de la soviétisation de l'Arménie en 57. Bon, pensant que le dégel de 56 du 20e congrès était encore là, on lui avait reproché des grossières erreurs politiques parce qu'ils avaient notamment évoqué la façon dont le Karabakh avait été rattaché à l'Azerbaïdjan. Donc, vous voyez, c'était compliqué pour tout le monde, mais il y avait d'autres façons de lire, d'utiliser la littérature officielle, la presse officielle. Dans le lire, bien sûr, il y avait tous les dissidents, il y avait des témoignages oraux de gens qui étaient échappés, et puis de décrypter les films, les images, les blagues. Donc ça peut faire partie. Ça, en situation d'accès difficile aux sources, on peut les différencier. Donc il y a une hétérogénéité de sources. Aujourd'hui, les historiens ne se contentent pas seulement des archives, et puis des archives officielles. Et puis il y a, à côté de toutes ces sources que vous avez évoquées, il y a la poésie. Nous étions en paix, comme nos montagnes. Vous êtes venus comme des vents fous. Nous avons fait front, comme nos montagnes. Vous avez hurlé comme les vents fous. Éternels nous sommes, comme nos montagnes. Et vous passerez comme des vents fous. Olivier Martineau qui nous lisait un extrait d'un poème. Poème écrit par un poète arménien. Oh, je peux donner son nom, hein. Il s'appelle Ovanes Shiraz. Alors, dit comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est difficile à dater, mais le poème est intéressant, Claire Mouradian, car il y a, comme beaucoup de poèmes, une portée universelle. Et là, dans la lecture que vous pouvez en faire, historienne que vous êtes, quelque chose sur l'Arménie qui est fort. Nous étions en paix dans montagne et vous êtes venus comme des vents fous, vous êtes venus, mais il y a une valeur presque intemporelle. Alors je le dis, hein, ce poème a été écrit au XXe siècle. Le « vous » peut correspondre à beaucoup de moments de l'histoire de l'Arménie. Tout à fait. Alors, en l'occurrence, le poème, bon, comme beaucoup de poèmes, où même ces blagues sont à double sens, il a été écrit ou présenté comme un poème pour la défense de la patrie soviétique pendant la Deuxième Guerre, hein, la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Donc, officiellement, il fait référence aux nazis. Et donc, chacune des républiques et autres peut, l'agression hitlérienne. Mais il a un double sens. Et effectivement, il est emblématique un petit peu de de l'identité arménienne, de cette volonté de souveraineté. D'ailleurs, l'un des films aussi de la période du dégel qui se passe dans les montagnes et qui est une première critique du système économique soviétique autour de la question des pâturages, hein, tout bêtement, où on dépense beaucoup d'énergie à surveiller les moutons, etc. Mais on accuse tout un des bergers d'avoir rôti, d'avoir passé en brochette un mouton perdu. Et dans la montagne. Et puis, donc, il a volé la propriété socialiste. Alors, bon, il est poursuivi, etc. Et on dit, mais pendant qu'on monte les moutons de la plaine à la montagne ou qu'on les redescend à pied, on gâche l'équivalent d'une centaine de moutons. Bon, bref, c'était une critique voilée. Mais ce film est intéressant parce qu'il s'appelle « Nous sommes nos montagnes ». Et donc, le thème de la montagne mythifiée, bien sûr, avec laquelle on s'identifie est constant. Et il est constant aussi dans la référence au mont Ararat, hein, qui est de l'autre côté de la frontière, donc on considère comme une montagne prisonnière. Il y a des poèmes sur cette montagne prisonnière, hein, de l'autre côté, mais qui est la montagne emblématique. Donc c'est le poème de Shiraz, c'est un petit peu ça, c'est de passer un message que tout le monde va comprendre. Que nous comprenons grâce à vous, Claire Mouradian, parce que merci beaucoup de nous avoir aidé à gravir cette montagne, l'Ararat en Turquie aujourd'hui, dans l'Arménie géographique, dirons-nous. Je rappelle que l'on peut lire votre Que sais-je, toujours bien de lire un Que sais-je, consacré à l'Arménie. Merci beaucoup de ce regard sur la longue durée, sur cette région qui est complexe. Et cette complexité nous intéresse car elle explique l'actualité. Merci Claire Mouradian. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, à l'occasion de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, les conditions de cette abolition dans l'Empire colonial français. Le 22 mai 2020, deux statues de Victor Schœlcher ont été détruites lors de la journée de commémoration du soulèvement des esclaves en Martinique, qui a abouti à la proclamation anticipée de l'abolition de l'esclavage en 1848. Pour mémoire, au même moment, on assistait au déboulonnage des statues des généraux confédérés Lee et Nathan Bedford Forrest, fondateurs du Ku Klux Klan aux États-Unis, des statues érigées pendant la ségrégation raciale ou en réaction au mouvement des droits civiques dans les années 60. Mais qu'en est-il de Victor Schœlcher ? N'aurait-il pas pâti de sa célébration posthume par une Troisième République férue de paternalisme colonial, cachant mal le racisme fondateur de l'Empire français ? C'est ce qu'affirmait l'historienne Myriam Cotias dans une tribune publiée quelques jours plus tard. Mais revenons à Fort-de-France. Dans une vidéo adressée aux élus et magistrats de Martinique, deux militantes justifiaient la destruction des statues de Schœlcher par l'insulte ressentie à la vue de celui qui s'était montré favorable à l'indemnisation des colons au moment de l'abolition de l'esclavage, finançant ainsi les disparités économiques dans les sociétés marquées par l'histoire de l'esclavage. Une statue, en fait, c'est quoi ? C'est dire, c'est une personne que j'admire parce qu'elle a fait quelque chose pour l'histoire, en fait. Donc là, concrètement, c'est des insultes, en fait, ces statues-là, ici, les statues de Schœlcher et de Zénambuc, pour n'en citer que deux, parce que Schœlcher, il était complètement favorable à l'indemnisation des colons, il y a plusieurs textes qui le prouvent, et si, par exemple, lui, il n'avait pas été favorable à ça, on ne sait pas quelle serait la situation économique en Martinique actuelle par rapport à la domination économique des béquets. Assez peu connu dans l'Hexagone jusqu'à la destruction de ses statues, Victor Schœlcher est pourtant une figure bien connue de l'histoire martiniquaise. Le lycée d'excellence de Fort-de-France, celui qui a vu passer Glissant, Césaire, Fanon, entre autres, porte son nom, ainsi qu'à un certain nombre de rues, jusqu'à la commune de Schœlcher, au nord de la capitale, et une chanson qui célébrait « Papa Schœlcher qui nous a donné la liberté ». Schœlcher est effectivement partout, signe d'une reconnaissance massive de son rôle dans l'abolition de l'esclavage, aujourd'hui contesté. Jessica Balgi a travaillé sur les débats qui ont conduit à l'indemnisation des propriétaires d'esclaves en 1849. Des recherches qui nuancent l'histoire de l'esclavage, dont les grands planteurs n'avaient pas l'exclusivité. Contrairement à ce qu'on s'imagine, les propriétaires d'esclaves en 1848 ne sont pas tous des hommes blancs, fortunés. Voilà, on trouve des femmes, on trouve des libres de couleur, on trouve des gens avec un esclave. Voilà, donc en fait, ça remet un petit peu en question l'image qu'on se fait de cette indemnité coloniale et de cette période abolitionniste. Jessica Balgi décrit aussi un Schœlcher favorable à ces compensations, tout en dénonçant le terme même d'indemnité employé lors des discussions et préfère celui de dédommagement parce que le mot indemnité répond à la dépossession d'une chose légitime, tandis qu'il n'y avait à liquider qu'une chose purement légale. Plus de 7% des dépenses publiques sont versées aux propriétaires d'esclaves à partir de 1849. Autant de précautions pour assurer le maintien de l'autorité de la métropole sur ses colonies, des liens avec les colons, avec les marchands et les créanciers des plantations, qui en sont alors les bailleurs de fonds. Argument juridique contre argument moral, l'État ne peut être démis de ses responsabilités dans l'organisation complexe des sociétés coloniales reposant sur l'exploitation esclavagiste. Les indemnités seront donc versées. Schœlcher, qui ne remet pas en question la colonisation, est bien seul à tenter d'obtenir, sans être entendu, une partie de cet argent au profit des anciens esclaves. C'est sa déification posthume qui est aujourd'hui contestée, dans un contexte où la nuance a peut-être plus que jamais son importance pour la prise en compte des mémoires blessées. Merci Anaïs Kien, on retrouve le journal de l'Histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrin, et Maïwenn Guizhou. Toute la semaine, nous nous intéressions à l'Arménie au carrefour des empires, ainsi naquit le premier État chrétien, ou encore voyage sur les hauts plateaux arméniens, et quand tout sera fini plus tard en Erevan. Ça, c'est notre sujet de demain. Nous allons évoquer les voies du génocide arménien avec le réalisateur Robert Guédiguian.